بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Quand le ciel se rompra, que les étoiles retomberont en ordre dispersé, que les mers déferleront, que les tombes seront bouleversées. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Chacun saura le résultat de ses œuvres anciennes et récentes. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ô toi mortel, qu'est-ce qui t'a trompé à propos de ton généreux Seigneur? Celui qui t'a créé, qui t'a doté d'une forme accomplie et qui t'a façonné selon l'image qu'il voulait. Et pourtant vous, les humains, vous contestez le jour du jugement. Or, chacun d'entre vous est suivi par des anges gardiens, des scribes éminents, qui observent tous vos actes. En conséquence, les pieux vivront dans les délices. Tandis que les impies seront voués au brasier, ils y seront jetés le jour du jugement et ne pourront s'en échapper. Que sais-tu du jour du jugement? Encore une fois, que sais-tu du jour du jugement? Ce jour-là, personne ne pourra aider personne, et Allah seul détiendra tout le pouvoir.